Micro ouvert. Alors, ce qui est intéressant, tu t'en as parlé un peu, c'est l'évolution politique. Jonathan Duong et Corinne Morel d'Arleux. Des Kurdes et du PKK. L'un des fondateurs du PKK, c'est Abdullah Öcalan, qui est en prison en Turquie depuis 1999. Oui. Et qui, au début, justement, dans la continuité du traité de Sèvres, revendiquait un Kurdistan autonome. Et il voulait créer un État kurde, socialiste, puisqu'il menait une révolution marxiste-léniniste. Et donc, à la base, voilà, il y a cette idée de créer un État socialiste indépendant. Et puis ensuite, au fur et à mesure, et notamment pendant sa détention, il a bossé, il a étudié, il a écrit, et il a évolué vers une position, ce qu'on appelle justement le confédéralisme démocratique, et qui rejette maintenant, du coup, l'idée d'État-nation. L'État-nation qui est un héritage capitaliste et occidental. Et donc, maintenant, on a une évolution vers quelque chose qui est anticapitaliste, mais plus autogéré, à base de communes. Tout à fait. Qui est assez proche, en fait, de ce qu'on appelle le municipalisme libertaire. Il y a eu beaucoup de correspondances, notamment entre Abdullah Öcalan et Murray Bookchin, qui est un militant américain, qui a théorisé, justement, ce municipalisme libertaire, le confédéralisme démocratique et l'écologie sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet politique qui est porté et qui est en train de se construire au Rojava, c'est un projet qui conjugue l'idée de socialisme, qui n'a absolument pas été abandonnée, notamment en termes d'appropriation collective d'un certain nombre de biens communs, notamment au niveau des sols, etc. L'écologie, qui est aussi un pilier important de cette révolution, la démocratie et le féminisme. Donc on a vraiment ces quatre composantes-là qui sont aujourd'hui en train de se construire au Rojava, et en Syrie du Nord, sur une population, c'est quand même un laboratoire à grande échelle, hein, puisqu'on est à plus de 4 millions d'habitants dans cette zone de la Syrie du Nord. Donc on ne parle pas d'une expérience communale, locale, dans un petit village de Syrie. Et comment ça se passe alors? Eh bien, ça se passe plutôt bien. Rencontre ici alors avec Aurélie Moreau, qui est journaliste freelance, comme on dit. Hein, en français, freelance, ça veut dire quoi que, indépendante, voilà, qui vogue de média en média et qui vit, voilà, pas comme salariée en tout cas. Mmh. C'est qui preste des piges ou qui preste des gros projets pour le compte d'un média. Et donc, journaliste professionnel, ça veut dire que, quand je dis professionnel, bon, ça veut dire que tu as fait des études pour que ce soit ta profession? C'est ça. Donc, études et puis pratique. Hein. J'ai essentiellement travaillé pour La Libre Belgique et aussi pour des journaux spécialisés, type Le Journal du Médecin, et pour Le Soir, là, récemment. Le Journal du Médecin, c'est le Journal du Médecin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, c'est un journal destiné à la profession. Voilà, entre autres. Puis il y a aussi d'autres professions médicales qui peuvent y accéder. Et donc, l'idée, c'est de traiter un peu tout ce qui touche à la politique de santé en Belgique, mais pas seulement. Il y a aussi le burn-out des médecins, par exemple, qui est un vrai problème chez nous. Et voilà, ça peut être du témoignage, des analyses, des interviews, enfin comme un journal assez classique en fait, hein, mais destiné à un public de professionnels. Bon, on va arriver à parler de ce pourquoi on te rencontre quand même, mais en gros comme ça, pourquoi tu as voulu faire journaliste? Pourquoi j'ai voulu faire journaliste? Je pense que j'ai un peu trop lu Albert Londres, vraiment. Joseph Kessel aussi, un petit peu trop. J'aime beaucoup rencontrer des gens, en fait. Et j'aime vraiment comprendre le monde dans lequel je vis. Ça, vraiment, je... Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte assez tôt que voilà, on a une manière d'interpréter le monde qui est pas forcément la même ailleurs, et que ça peut créer des tensions, comme ça peut créer aussi des belles choses. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tôt. Et ce gap entre voilà, ce fossé qui pouvait exister aussi entre les gens, ça m'a toujours beaucoup marqué. Et puis aussi parce que je suis quelqu'un, je pense, très rationnel et que donc l'être humain me fascine dans tout ce qu'il a de pas rationnel, en fait. Et donc raconter des gens, faire des portraits de gens qui pensent autrement, ça m'attire. Il faut savoir les trouver, les personnes qui pensent autrement, hein, ouais. de nos jours, ah ou bien c'est un peu bidon, ce que je dis. Ouais. Bah oui, c'est-à-dire... Mais pourquoi, parce que, pourquoi trouver des personnes qui pensent autrement? Pourquoi, pour faire original, pour, tu vois, c'est... Non, je pense que parce qu'ils apportent vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'on a tendance à vivre dans un microcosme parfois, qu'il soit familial ou qu'il soit culturel, et puis on se rend compte qu'il y a d'autres manières de faire et qui peuvent aussi être intéressantes. Et moi, ça me fait souvent penser à la théorie des climats, voilà, où on a eu aussi beaucoup de déplacements de population en raison de problèmes climatiques. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, les Pays-Bas ont appris très tôt à gérer l'eau, et c'est des compétences qu'on peut développer par ailleurs. Et je pense que de se replier sur soi et de ne travailler que sur ses compétences à soi, c'est pas forcément la meilleure manière de fonctionner. Je pense que voilà, on dit souvent que c'est très enrichissant d'apprendre des autres, mais ça, c'est un peu la phrase type qu'on dit, et on se rend pas compte véritablement de la manière concrète dont ça fonctionne, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont grandi dans un pays avec des conditions climatiques particulières, avec des conditions culturelles particulières, ont appris à développer des compétences très concrètes dans la vie de tous les jours, sur la manière de gérer l'eau, sur la manière de gérer le vivre ensemble, sur la manière d'accéder à certaines ressources, la manière de cultiver aussi en rizière, pas en rizière, voilà, et tout ça nous apporte aussi des choses à nous, c'est-à-dire sur notre manière d'améliorer en fait la manière dont on peut cultiver certains fruits, certains légumes, etc. Donc, mais quand tu dis à nous, ça veut dire quoi, à nous, quand tu dis à nous? En Belgique, par exemple, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je sais pas, moi. Je pense notamment en Malaisie, ils peuvent avoir développé des techniques spécifiques d'agriculture et qu'on connaît pas, ou parce qu'on n'a pas été spécialement regardé. C'est des choses qu'on pourrait utiliser chez nous, en Belgique, dans un climat différent, en l'adaptant, voilà. Et c'est en ça que c'est enrichissant et que c'est très concret. Wow. T'imagines la question posée jusqu'on on arrive dans les rizières et... Voilà, c'est dingue, ça va. J'ai oublié le début, j'ai oublié ma question, moi, du coup, tu vois. Bon, je crois qu'on parlait, du fait de... Est-ce que c'est... Pourquoi trouver une autre manière de penser? Je te pose la question, mais quoi, pour faire l'original? Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas pour faire l'original. C'est juste que, vraiment, ça m'apporte des choses très concrètes dans ma vie. Et je pense que le fait d'être aussi partie au Kurdistan et de me rendre compte que... Ben, il y a d'autres visions du monde, en fait. Il y a des personnes qui considèrent qu'on peut vivre autrement et qui m'ouvrent, en fait, certaines perspectives auxquelles je n'avais pas forcément pensé au départ. Et ça, ce n'est pas pour être original, c'est aussi parce que ça m'apporte des choses très concrètes dans ma vie, dans ma manière de gérer mes relations avec les autres, dans ma manière de gérer ma vie professionnelle. Voilà, c'est très égoïste, en fait, comme démarche, vraiment, plutôt que d'être original. Moi, je trouve ça intéressant. Quand tu dis égoïste, ça doit d'abord se faire... Enfin, c'est ça, la passion aussi. Hein. La passion, c'est faire quelque chose qui nous botte à mort. Et en même temps, ça sert aussi peut-être pour les autres. Quoi. C'est pas forcément... égoïste. Oui, parce que du coup, ça rejaillit aussi sur les personnes avec qui on vit. Et voilà, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de changer ou pas envie d'apprendre d'autres manières de faire et qui vivent très bien leur quotidien comme ça, et c'est tant mieux. Mais voilà, ça change aussi, ça peut aussi changer par rapport à ça. Ouais. Allez, on part au Kurdistan, alors, cette histoire de... Donc, toi, t'es partie. Alors, tu me dis s'il y a des erreurs. T'es partie en immersion, comme on dit. Presque 5 mois. Presque 5 mois, alors ouais. Que je pensais que c'était 6 mois, tu vois. En fait, j'ai commencé à... Je ne suis pas restée 6 mois sur place. Parce que l'enquête a commencé il y a... Enfin, l'enquête. L'enquête a débuté il y a un an. Mais le terrain a commencé... a duré 6 mois. Parce qu'il y a eu un mois en Allemagne. Où j'ai rejoint en fait un camp que la Turquie considère comme un camp de formation idéologique qui est lié au PKK, donc le Parti des Travailleurs du Kurdistan, où des nanas se rencontrent pendant plus d'une semaine, où elles font un petit peu le point sur les pratiques politiques, et il y a à peu près tous les profils. Donc ça a commencé comme ça, où je suis restée avec elles pendant un mois, puis j'ai eu aussi des recherches ici en Belgique, où j'ai rencontré des jeunes Belges et Français qui avaient rejoint le PKK pendant 6 mois et qui étaient rentrés. Donc j'ai bossé là-dessus pendant un mois et puis je suis partie 5 mois en Irak et en Syrie. Et là, c'est pour ça que je dis presque 5 mois, c'est mon côté rigueur. Il faut absolument que je... il faut absolument que je sois précise, quoi. Ouais. Je peux pas dire 6 mois, non, c'est presque 5 mois. Voilà, c'est le souci d'informer correctement. D'accord. Donc toi, tu pars presque 5 mois en Irak, en Syrie, et c'est le journal Le Soir qui t'envoie. Non. Comment ça se passe? Parce que j'ai lu ton web documentaire, j'ai pas tout lu, mais on y lit certaines fois, à la place de donner ton nom, par exemple, Aurélie Moreau, c'est Le Soir qui se réapproprie un peu la matière, quoi. Ah, bon, il y a évidemment tes signatures sur les photos, sur les écrits, mais des fois, ça me choquait. Je me dis, mais Le Soir ça donne l'impression que c'était eux les initiateurs, quoi. Oui, bon, ça, j'avoue que c'est peut-être un petit peu ma faute, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et je l'ai écrit parce qu'en fait, je pense que je préfère que ce soit comme ça plutôt que Aurélie Moreau est partie. Enfin, je trouve ça un peu... Moi, je t'assure que je trouve ça plus juste de faire Aurélie Moreau, quoi. Oui, Le Soir, ça fait... Tu vois, c'est là que tu te dis, oh, ben, je comprends pas, on dirait que c'est le journal Le Soir. C'est bien que tu clarifies ça, quand même. Oui, je pense que c'est aussi... une des formations professionnelles, on a l'habitude de faire ça en tant que journaliste. On met en avant le média pour lequel on travaille. C'est peut-être pas forcément la bonne idée ou la bonne démarche, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler comme ça. Donc, du coup, on ne remet pas forcément en question les choses. Mais aussi, c'est parce que voilà, je me vois vraiment très, très mal écrire Aurélie Moreau est partie quelque part. Je trouve que ça fait hyper prétentieux. Et c'est aussi une démarche qui me met un peu mal à l'aise, que je retrouve dans beaucoup de médias aujourd'hui, qui consiste à mettre en avant, avant tout, le journaliste, alors que ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'information, et c'est ce qu'on a trouvé sur place, et c'est les gens qu'on a rencontrés sur place. Et pour moi, voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle je l'ai écrit de cette manière-là. Mais voilà, moi, je me considère que comme un vecteur d'information, c'est tout. Voilà, j'ai rien à faire dans cette histoire, moi. J'ai rien à faire dans cette histoire. De quelle histoire tu parles? Parce que l'idée, c'était de comprendre, quoi, c'est le journal Le Soir qui est initiateur de que tu partes au Kurdistan, ou bien c'est toi qui décides de partir au Kurdistan et après de proposer ton travail au journal Le Soir? Eh bien, c'est la deuxième option. Donc, des projets longs comme celui-là, si ça part pas d'une initiative personnelle, ça partira pas d'un média parce que ça coûte vraiment énormément d'argent, vraiment. Et encore, moi j'ai vraiment fait avec des bouts de ficelle. Mais voilà, c'est quel média aujourd'hui avec parce que le fait que les médias sont en crise, en presse écrite, c'est vrai, vraiment. Enfin, je veux dire. Tu veux dire en crise qui n'ont pas d'argent, parce qu'il y a de l'argent, t'es d'accord, notre société, oui. En tout cas, on va parler de la Belgique où. Il y a de l'argent. Ouais, non, c'est clair. Ça dépend où on le met. Ça dépend comment il est redistribué au sein des entreprises. Après, moi, c'est sûr que je ne pense pas qu'un média va mettre 30 000 euros pour envoyer un journaliste pendant 6 mois, tout en sachant qu'il a un quotidien à faire sortir tous les jours avec 63 pages et que sur ces 63 pages, eh ben, faut qu'il y ait du contenu. Donc voilà, c'est aussi une question de priorité, c'est pas un jugement, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des choix qui sont faits au sein des médias, et voilà, les budgets sont priorisés, et c'est comme ça que ça fonctionne, donc effectivement, c'est une initiative personnelle, très clairement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Aurélie Moreau? Je n'ai toujours pas la réponse. sérieux, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Aurélie Moreau, bon ben voilà, t'étais assez jeune quand même. Hein, c'est comme si tu sors. En plus, tu parais jeune, mais tu sors pas de l'école non plus. Tu as quelques années déjà. 8 ans. Non, pourquoi je suis partie? Écoute, je l'envie de voir autre chose. Tu parles kurde, j'ai vu. Un petit peu, j'ai pratiqué, oui, mais vraiment pas couramment. J'avais pris des cours en amont pour essayer de me débrouiller un petit peu, parce que je partais toute seule sans fixeur, parce que forcément, 6 mois, un fixeur, c'est 200 dollars par jour. Donc, fixeur. Un fixeur, c'est un journaliste local avec lequel on va travailler en partenariat. Okay. Et donc, ils sont beaucoup mieux payés que nous, le double. Mm. En l'occurrence, un fixeur, c'est 200 dollars par jour, mm. hors zone de conflit. Donc, si on a Raqqa, par exemple, en pleine guerre, c'est 400 dollars. J'adore le principe. C'est dingue, quoi. C'est le business de la guerre, ça, ouais. Ouais, on en parle très peu, mais en fait, il y a vraiment tout un business autour de ça, très clairement. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, on nous interdisait aussi de travailler avec des fixeurs en Syrie parce qu'on s'était rendu compte que Daesh payait les fixeurs pour choper les journalistes. Et c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui se sont fait tuer, égorger. Donc tu peux pas dire pourquoi tu as eu cette idée. Tiens, je vais aller au Kurdistan. Bon, il a bien fallu que tu aies des informations, c'est que ça t'intéressait déjà ce qui se passait là-bas, parce que... Oui, en fait, c'est assez dingue. Donc, c'est-à-dire qu'on apprend sur Internet qu'il y a de plus en plus, en l'occurrence, 400 Occidentaux qui partent chaque année rejoindre les forces kurdes. Et on se pose des questions. Enfin, parce qu'en plus, on a plus ou moins le même âge, donc il y a aussi, quelque chose de l'ordre de l'identification. Enfin, on se projette, en fait, beaucoup. Quand tu dis « on a le même âge », c'est pour comprendre, hein, parce que des fois, moi, je ne comprends pas, je me dis que l'auditeur non plus, c'est que quand tu dis « on a le même âge », tu veux dire que les gens qui... les 400 Occidentaux sont des jeunes personnes ? La majorité. Après, c'est vrai qu'il y a un spectre très large. Il y a des jeunes de 17 ans qui partent, mais il y a aussi, j'ai rencontré un homme qui avait 65 ans, qui est un vétéran de l'armée britannique. Mais grosso modo, la majorité des gens que j'ai rencontrés sont âgés entre 25 et 35 ans. Et en fait, se posent des vraies questions sur le monde dans lequel ils vivent. Et, intéressant ça, non ? Ah oui, mais c'est ça en fait, ils posent des questions. Voilà, donc c'est ça, il y a aussi ce côté où on se projette beaucoup. Et on se dit, mais d'où ils sont partis pour avoir ce genre de parcours, en fait ? Parce que c'est, quoi qu'on puisse en dire, rejoindre le PKK, c'est quand même un choix particulier. Enfin, le PKK... Le PKK, on est d'accord ou c'est l'extrême gauche des Kurdes, ça, le PKK ? Oui, qui était à tendance marxiste-léniniste, enfin en tout cas se revendiquer comme tel jusqu'en 2003, et a décidé de communiquer de manière très différente après 2003, donc ils se sont plutôt positionnés sur le municipalisme libertaire, donc qui a été théorisé par Murray Bookchin, et qui donc ne se concentre plus seulement sur... Enfin, il n'y a plus vraiment d'interprétation des classes sociales. Le mouvement marxiste-léniniste est beaucoup emprunt de ça. Il se base beaucoup là-dessus. Mmh. Alors que le municipalisme libertaire ne se base plus sur les classes sociales, c'est-à-dire qu'il se base sur des municipalités. Mmh. Donc, en fait, au sein, je ne sais pas moi, d'une ville, par exemple, d'une très grande ville, il peut exister plusieurs quartiers. Et dès qu'il y a 150 à 250 maisons, on considère que c'est une commune. Mmh. Et l'insurrection, puisque c'est un mouvement qui prône l'insurrection de par son histoire, en fait, hein, puisque le PKK vient de Turquie, est un parti kurde qui prône l'indépendance kurde en Turquie, donc qui prône aussi l'insurrection. Il se base donc sur deux mouvements que sont les femmes et les jeunes au sein de ces municipalités pour ensuite prôner l'insurrection. Et au fur et à mesure que les municipalités se lèvent, se rebellent, ils mettent en place un système horizontal entre ces communes et divisent les trois pouvoirs qu'on connaît, qui sont les pouvoirs classiques, judiciaires, législatifs, exécutifs, au sein de ces communes-là. Ils fonctionnent de manière... En tout cas, et ça, c'est le modèle théorique dont se revendique aujourd'hui le PKK. Et donc, oui, donc, voilà, rejoindre ce genre de mouvement, c'est pas rien, surtout quand on est belge, né en Belgique, de parents chrétiens, par exemple, pratiquants. Oui, mais c'est pas que des Belges, hein, j'ai lu, c'est l'Occident, tu cites plein de pays d'Occident. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, beaucoup d'Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Grecs. Et aussi, j'ai lu, ça va même jusqu'à l'artiste, ça va même... c'est juste. Oui, donc il y a vraiment absolument toutes les classes sociales. Et donc voilà, il y a quelque chose de vraiment interpellant là-dedans. Et on se projette beaucoup parce qu'il y a des choses qu'on partage, on fait partie de la même génération. Et donc, on se demande ce qui, dans leur parcours, les a poussés à prendre une décision telle que celle-là. Tu peux préciser la décision, c'est-à-dire aller avec les armes, se battre. Voilà, c'est ça. Partir en Irak, en Syrie, défendre une cause qui est la cause kurde quand même, face à Daesh, et se former d'un point de vue militaire. Et ça va même au-delà, parce que c'est des techniques de guérilla, en fait. Hein, donc, le PKK, en tout cas, a développé des techniques pour combattre une des armées les mieux équipées au monde, et qui est l'armée turque. Donc, il y a une vraie... c'est 40 ans d'apprentissage de la guérilla qui transmettent en fait à ces jeunes-là au cours d'une formation qui dure plus ou moins un mois, deux mois, et qui ensuite les envoie sur le terrain pour combattre Daesh. Donc oui, il y a vraiment quelque chose. Et puis ça recoupe aussi beaucoup les jeunes qui, eux, ont rejoint Daesh, puisque c'est la même démarche pour un but différent. Mais ça participe à la même, au même rejet en fait de ses racines, de la société dans laquelle on vit. Et puis il y a d'autres mécanismes, il n'y a pas que ça, il y a le fait de porter des armes. Ça, je pense que très clairement, il y a quelque chose de l'ordre du jouissif, d'être aussi peut-être marginalisé ou avoir ces idées qui sont sans cesse remise en question. Enfin, voilà, quand on est jeune, on a aussi plein d'idées qu'on a envie de partager, etc. Et c'est vrai qu'il y a toute une part de la jeunesse qui n'est pas du tout prise en considération dans la société dans laquelle on vit, et qui se sent marginalisée, ou en tout cas, pas marginalisée, mais on peut les considérer comme des bobos, enfin, toutes les étiquettes qu'on adore mettre chez nous, et qui, dans un sens comme dans l'autre. Et donc... D'accord de dire, et qui aussi vont lutter parce qu'ils sont dans le concret, ils ont envie de changer les choses, quoi. C'est aussi, enfin, basiquement ça aussi, quoi. C'est-à-dire, on arrête d'être dans des théories, dans des concepts, on va dans le concret, puisque de toute façon, il n'y a pas d'avenir, tu vois. Exactement. Allons le changer, cet avenir, quoi. Oui, et puis ils sont aussi très conscients qu'il y a quelque chose de l'ordre du chaos. Donc ici, dans nos sociétés, on est dans la continuité. Donc en fait, c'est très difficile de poser des actes qui vont vraiment avoir de grosses répercussions ou véritablement changer les choses ici, en tout cas en Belgique. Alors que là, il y a la guerre. Donc on a beaucoup parlé de la théorie du chaos, et c'est ce que disaient aussi les Kurdes que j'ai rencontrés. Ils disaient que du chaos pouvait naître le pire comme le meilleur, et qu'eux se servaient de ça pour mettre en place quelque chose qui les représentait davantage que le système que Bachar al-Assad avait mis en place à l'époque. Et donc voilà, il y a vraiment quelque chose, effectivement, de l'ordre du très concret. Après, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça fonctionne merveilleusement bien, c'est faux. Mais en tout cas, il y a une volonté de mettre en pratique des modèles théoriques, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu veux dire, ça ne fonctionne pas forcément merveilleusement bien? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, je ne comprends pas. Mais donc, ils sont en train de mettre un système politique en place. C'est qui le « il » ? Les Kurdes, pardon. Donc les Kurdes du nord de la Syrie, donc ce sont en fait essentiellement le PYD, donc le Parti de l'Union démocratique, qui a pris un peu la tête d'une coalition politique qui a été mise en place après le retrait des troupes de Bachar al-Assad en 2013. Donc c'est un parti kurde qui a une branche militaire qui s'appelle les YPG et les YPG. Et donc c'est masculin-féminin, ce sont ces femmes qu'on voit très souvent dans les médias qui portent des armes et qui luttent contre Daesh. Et cette coalition contient aussi d'autres partis assyriaques, chrétiens, donc pas seulement que des Kurdes, aussi arabes. Mais en tout cas, cette coalition, elle est politiquement marquée à gauche et se revendique du modèle du PKK qui veut mettre en place donc, le municipalisme libertaire. Et donc, il y a ce système politique qui est en train d'être mis en place, donc ces municipalités à l'horizontale. Mais voilà, c'est un pays qui est aussi en guerre, donc il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à mettre en place. Moi, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai plus travaillé sur les femmes. Hein. Mais d'après ce que j'ai pu observer, parce que j'ai parlé un petit peu de ça, il y a aussi le fait qu'il y a très peu de pluralisme politique. C'est-à-dire que, par exemple... Imaginons que vous ne signez pas le contrat social qui a été mis en place par cette coalition et qui fait office de constitution, en fait. Si vous ne respectez pas ça, vous ne pouvez pas ouvrir de bureau politique. Vous ne pouvez pas être sur les listes électorales. Donc, et ça a été le cas, par exemple, d'un mouvement kurde aussi, qui n'était pas à gauche de l'échiquier politique, mais qui était plutôt centre-droit, et qui, lui, ne revendiquait pas l'autonomie au sein des frontières syriennes, ce qui est le cas du PKK, en tout cas en Syrie. Ils ne veulent pas l'indépendance pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils revendiquent. Ils revendiquent une autonomie. Et donc, cette autre partie de centre-droit qui a voulu participer aux élections et qui, lui, était pour l'indépendance, n'a pas pu ouvrir de bureau politique, n'était pas repris sur les listes. Leurs bureaux ont été fermés et les forces militaires kurdes ont interrogé pendant des heures les représentants de ce parti-là à Kamishli. Donc, il y a des vraies questions. Après, il y a des... ils expliquent que c'est aussi parce que c'est la guerre, etc., et que c'est pour... Les Kurdes, ils expliquent. Oui, les Kurdes. Ouais. Bah, en tout cas, les Kurdes, non, pas les Kurdes, parce que c'est un peu trop généraliste, mais en tout cas, le PYD, donc le Parti d'Union démocratique, est aussi dans une position politique super délicate. Donc, ils sont entourés par la Turquie, au nord, qui a déjà envahi l'un des trois cantons kurdes du nord de la Syrie, en l'occurrence Afrin, qui menace, en fait, les Kurdes et qui a l'intention d'aller jusqu'aux frontières irakiennes. Et de l'autre côté, il y a encore Bachar al-Assad au sud. Donc ils sont complètement encerclés. Et c'est sûr que revendiquer l'indépendance aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément le meilleur calcul politique, dans le sens où ils doivent quand même composer avec Bachar al-Assad. Donc il y a des vraies raisons à ça. Mais, et donc l'avenir, je pense, dira si oui ou non ça va fonctionner, ce système-là. Mais pour l'instant, ça en est vraiment qu'aux prémices. Et tout est en train de se mettre en place doucement. Et je pense que c'est le temps qui va nous dire si oui ou non ça va fonctionner. En tout cas pour le système politique. Oui, en tout cas pour le système politique, parce qu'on partait de l'idée des Occidentaux qui partent là-bas. Et tu disais oui, mais ça ne marche pas forcément. Mais ce qui ne marche pas, c'est le système politique. Parce que les gens qui vont là-bas concrètement sur le terrain, ben oui, ils ont fait reculer Daesh, non ? Ah oui, bien sûr. Si je veux dire ça, c'est un peu... Ce qu'ils voulaient, c'est avoir une force au sol pour pouvoir appuyer... en tout cas, la coalition voulait pouvoir s'appuyer sur une force au sol. Elle ne voulait pas envoyer de militaires, même si elle l'a fait. Donc ça, on peut dire que ça marche quand même, quoi. C'est du concret, c'est du rapport de force, c'est de la lutte, en fait. Ah oui, dans le cadre de la lutte, ça, vraiment. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette coalition, les forces démocratiques syriennes, parce qu'on parle souvent des YPG, des Kurdes, mais en fait ils font partie d'une coalition militaire avec les Arabes, qui sont les forces démocratiques syriennes. Donc voilà, oui, ça fonctionne en matière de lutte armée, mais la question c'est l'après, c'est la question que se pose tout le monde. Et voilà, moi quand je les vois, en fait, j'en discute encore beaucoup avec ces personnes qui sont parties, avec ces Occidentaux qui sont partis rejoindre les forces kurdes. Moi, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est parfois la désillusion. C'est aussi la chose sur laquelle j'ai envie de travailler aujourd'hui, parce que on a aussi beaucoup parlé de mai 68 récemment, et on a aussi beaucoup attention, sujet. Toute la vague de suicides. Qui a suivi, en fait. Je pense que c'est Florence Joshua qui avait écrit un super bouquin là-dessus. Elle expliquait aussi toute la désillusion des militants post-mai 68. Et aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont rentrées du Kurdistan. Revenir de ça, revenir d'un lieu où tout est possible et où on essaie de faire changer, et qui est en plus un mouvement très inclusif, le mouvement du PKK au nord de la Syrie, le PYD, YPG. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis inclusif ? C'est-à-dire que tout se partage, donc il y a déjà quelque chose de l'ordre du culturel et qui est plutôt communautaire. Chez nous, on a plutôt évolué vers des sociétés assez individualistes, où le communautaire passe après, en tout cas passe de moins en moins avant l'individualisme. On est d'accord que oui, c'est de l'idéologie, de la propagande, c'est le libéralisme qui a poussé à ça, parce qu'à la base... Et j'avais envie de te parler du Rojava. Oui, c'est ça. Donc le Rojava, c'est le nord de la Syrie. Voilà. C'est les trois cantons du nord de la Syrie. Parce que j'ai vu un petit reportage comme ça d'une gonzesse qui est partie là-bas et qui expliquait qu'il y avait des choses formidables qui se passaient là-bas dans le nord de la Syrie. Quoi. Il y a plein de gens, de mélanges, d'ethnies, de cultures qui se mettent ensemble. Est-ce que ça a à voir avec... Ouais, ce phénomène hyper inclusif. Oui, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de... Au-delà du partage, au-delà du culturel, au-delà du fait que c'est une société très communautaire, il y a aussi le fait de vouloir exporter ce modèle politique-là. Parce que le PKK, en tout cas, est vraiment dans une démarche internationaliste. Donc, du coup, ils veulent partager ce modèle-là. Et je pense qu'effectivement, ils ont raison quelque part. Partager, est-ce que c'est... Est-ce que c'est pas aussi partager un peu... Parce que c'est comme un combat, quoi. C'est pas... Oui, partager, ça fait comme si on avait un espace. Tiens, je te partage. Ah bah oui, tu... Enfin, je sais pas si c'est le bon mot. Moi, ça me tique parce que partager, c'est plutôt un combat qu'ils mènent pour montrer qu'il y a moyen de faire autrement. Et là, on rentre vraiment dans une guerre des idées, on va dire. Si ce n'est que là-bas, c'est aussi la guerre... la vraie guerre, quoi, qu'on connaît avec du... Enfin, qu'on connaît. Oh, mais Grady... Je la connais pas, moi. J'ai jamais vraiment vécu, quoi. Il faut que je sois honnête. Je l'ai vu dans les films, je les vois dans les documentaires. La vraie guerre avec du sang, les gens qui meurent, ça doit être horrible, mais bon, voilà. Mm-hmm. Tu m'as suivi ? Oui, oui, mais je pense à ta question qui était... On parle de partage. Ouais. Tu disais c'est un partage. Je tique sur le mot partage parce que je dirais que c'est plutôt un combat, moi, quoi. Enfin... Oui, mais un combat, ça se partage. Ouais. Voilà, je veux dire, il y a des pratiques qui se partagent. Et ça rejoint un petit peu... Ce mouvement du Tarmé qu'est le PKK. PKK, c'est 40 ans de pratique de la guérilla dans les montagnes de Bakour. Donc, et ça, c'est des trucs très concrets. Je veux dire, comment on se cache, comment on arrive à déjouer des systèmes de recherche. Okay, tu parles de partage dans le fait de partager son savoir-être, son savoir-faire. Ok, ok. Alors, j'ai pas bien compris. Oui, oui, donc on est vraiment dans le partage de choses très concrètes, quoi. Et ça, c'est un mouvement, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mouvements militants, par exemple, chez nous, en Europe, en Belgique, en France, et qui, en fait, parce que j'ai beaucoup écouté donc, ces jeunes hein, qui sont partis au Kurdistan, en leur demandant « Mais pourquoi vous ne pouviez pas militer, par exemple, en France ou en Belgique ?» Et donc, ils m'expliquaient qu'en fait, les mouvements ici étaient très exclusifs, en fait, les mouvements militants. Qu'il y avait pas, voilà. Et donc, il n'y avait pas ce côté partage, en fait. Il y a vraiment... Chacun veut garder sa petite popote interne et garder ses petites techniques à lui parce qu'il a trop peur de se mélanger aux autres, parce qu'il n'a pas envie que certaines de ses revendications soient pas la priorité par rapport à un autre groupe. Enfin, voilà, cette espèce de coalition générale... Enfin, j'ai un peu peur, j'ai l'impression. Enfin, moi, je connais très peu ce côté, voilà, la pratique militante en Belgique, ou même en France. Donc, voilà, mais c'est ce qu'il me disait. Et alors que le mouvement du PKK, enfin, tout ce qui gravite autour, ben, en fait, je pense que je vais préciser un peu les choses parce que ça me gêne un peu de dire juste PKK et ça me gêne de dire les Kurdes, en fait, parce que c'est l'apoïsme. Voilà. Donc, en fait, il y a chez les Kurdes un mouvement politique qui se revendique de l'apoïsme en référence au mot apo qui veut dire oncle en kurde et qui fait lui-même référence à Abdullah Öcalan. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce qui concerne le municipalisme libertaire. Donc tous ces mouvements-là se revendiquent de l'apoïsme. Et ce mouvement-là, il est très inclusif. C'est-à-dire que toi, comme moi, si demain... Voilà, parce qu'ils ont des représentations partout à Bruxelles, en Europe, en France, etc. Tu sais où ils sont, c'est très facile. Tu peux les contacter comme ça. Et tu lui dis, voilà, moi, j'aimerais en apprendre davantage sur l'apoïsme. Eh bien, viens. Tu veux faire comment pour aller... Tu veux pratiquer au Kurdistan irakien et syrien ? Pas de souci, on va t'aider et on va tout expliquer. Il y a vraiment quelque chose qui est très... Enfin, c'est facile, en fait. C'est ouvert, quoi. Complètement. Et c'est pas quelque chose de caché. Donc, en fait... Je pense qu'il y a aussi... voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils partent. C'est parce qu'ils se sentent inclus dans quelque chose. Je pense que c'est important quand on a 25, 26 ans et qu'on se sent rejeté de toutes parts, que ce soit en essayant de louer un appart, en essayant de trouver un taf, etc. Les gens n'arrêtent pas de dire « Oui, mais enfin, ça va, on arrive quand même à trouver un travail. » Mais non, moi, je connais des... Enfin, voilà, les chiffres du chômage sur les 25-35 ans, ils mentent pas. Et puis, on peut aussi... Enfin, dans quelles conditions aussi on peut... Enfin, tu vois, avec quel salaire. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Enfin, il y a des gens... Moi, je comprends tout à fait. Ils n'ont pas envie d'être esclaves, quoi, tu vois. Mais non, bien sûr. Et puis, il y a aussi le fait que ce mouvement-là... Enfin, ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Je pense que ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. Mais ce mouvement apoïste fonctionne aussi, il prend en charge aussi ces jeunes-là. Donc, c'est-à-dire qu'il leur dit, voilà, vous allez nous rejoindre, vous allez dédommager à hauteur de 300 à 400 dollars par mois, et on vous loge, on vous nourrit, etc. Machin. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est-à-dire que il leur donne des moyens concrets aussi de réaliser ça, de réaliser ce dont, enfin voilà, les modèles dont ils ont, les modèles qu'ils ont envie de mettre en place. Il leur donne des moyens concrets pour y arriver. Pourquoi tu dis ça par rapport à, excuse-moi, je t'ai coupé, par rapport à la à l'Occident ou les côtés militantisme par ici, tu dis ça par rapport à ça, parce que non, j'imagine pas nécessairement. Que prendre en charge, tu sais, dans les guerres, ben oui, d'office, t'es nourri, logé, blanchi, comme on dit, enfin, tu vois, c'est pas étonnant, enfin. Non, mais ça par rapport à quoi ? Ah oui, ben en fait, je dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent pratiquer ces modèles-là, même ici en Belgique, hein, dans les milieux militants, mais qui vont jamais être dédommagés 400 dollars par mois par les autorités, parce que là, on parle d'autorité. Le mouvement Apoi, c'est celui qui gère le nord de la Syrie. Donc en fait, c'est lui qui donne qui dédommage en fait ses membres. Ici, c'est pas la Belgique qui va donner. Enfin voilà, on va donner un espèce de chômage ou un revenu de remplacement dans le but de trouver un emploi, etc. Alors que bah, c'est peut-être l'équivalent du revenu universel, ça aussi on peut en parler, mais l'idée c'est aussi de donner un revenu de remplacement mais qui sert à quelque chose. C'est-à-dire que pas seulement à la recherche d'emploi, mais aussi à pratiquer des métiers qui sont peut-être plus orientés vers la collectivité ou vers le bien commun en fait. Et ça, c'est tout le débat qu'on a actuellement sur le revenu universel et sur la manière de changer cette mentalité qui est héritée aussi d'un système social qui est le nôtre, hein, qui est historique et qui est très bien, sur lequel je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais voilà, il y a moyen aujourd'hui de pratiquer les choses un peu différemment. Et c'est dans ce sens-là où je dis aussi que, voilà, ils sont dédommagés, mais pour faire quelque chose de concret, de pratique, qui est en adéquation avec ce qu'ils ont, voilà, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de mettre en place et ce en quoi ils croient. Ce que tu veux dire, si je comprends bien, voir si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que tu te dis que ces jeunes, quelque part, ils ont une reconnaissance, quoi, pour le fait d'aller faire la guerre, il y a une reconnaissance vis-à-vis de l'argent, machin, bazar. Mais c'est ça que tu veux dire. Que faire la guerre, en fait. Oui, donc, parce que c'est ouais. Ça que je me dis, tiens, Aurélie, elle est vachement extrémiste, la fille, tu vois, elle dit... Ben voilà, j'essaye de comprendre un peu ce que tu veux dire. Non, c'est pas une forme de reconnaissance, c'est juste que... Voilà, quand on n'a pas les contacts, qu'on n'a pas les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, ben on fait rien. Enfin, je veux dire, tu peux très bien avoir envie de changer les choses ici, ben voilà, si t'as pas une thune, t'as pas une thune, ça va pas fonctionner. Alors que d'avoir mis ce système-là en place, ça leur permet de pratiquer ça. Quand tu n'as pas à penser à savoir qu'est-ce que tu vas manger au soir, ben c'est pas compliqué de te consacrer toute la journée, de consacrer 6 mois de ta vie. Ben après, c'est beaucoup de courage, etc. Je remets pas ça en question, mais je veux dire, voilà, on te donne la possibilité de le faire, en fait. C'est dans ce sens là où je le dis sans jugement de valeur, quoi. Oui, j'entends bien ce que tu dis, mais pour moi ça... Et on se sent, faut bien se comprendre, la pensée, elle est. Hein, tu dis, oui, ils sont nourris, logés, blanchis, t'es d'accord si je dis ça comme ça ? Oui, c'est un peu péjoratif, mais ouais. Bah, en gros, ils ne doivent pas se soucier de l'aspect matériel pour aller combattre leurs idéaux, quoi. Exactement. Mais ça, c'est un modèle qui a beaucoup existé aussi avant. Hein. On peut parler du modèle du petit révolutionnaire. Qui a existé auparavant aussi chez nous, avant mai 68, etc. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Et je pense que c'est ça aussi qui leur permet de le faire, très concrètement. Parce qu'il y a aussi les billets aller-retour. Enfin, le billet aller n'est pas pris en compte, je pense, mais quand ils veulent rentrer, ils peuvent rentrer quand ils veulent. Et c'est la coalition actuellement en place au nord, enfin, au Rojava, qui paye le billet retour. Donc il y a des vraies facilités aussi. Oui, je comprends bien. Oui, il y a tout. Tu soulignes cet aspect-là, et moi, je me souviens que je me disais, mais pourquoi tu soulignes tout cet aspect-là ? Parce que j'imagine dans toutes les guerres, quand on veut enrôler, tu vois, j'utilise exprès le mot enrôler, des jeunes dans des troupes, et bien d'office, ils n'ont pas tout l'aspect matériel. Et puis on parle aussi de Daesh. Je veux dire, c'est pareil, tu vois, la Jeep, les fringues, la GoPro, et on se filme et on se montre. Enfin, tu vois, je veux dire. Non, mais c'est exactement ça aussi. Oui, tout à fait. Toi, tu as envie de souligner pour dire. Par rapport à quoi, je le répète, hein, ça fait deux fois que je répète ma question, mais par rapport à quoi tu as envie de souligner cet aspect-là, que c'est pris en charge matériellement ? Par rapport à quoi ? À ici, le combat, le militantisme Non, je pense que c'est, je ne sais plus de quoi on parlait juste avant, je pense, et qui m'a amené là-dessus. Mais non, c'est juste que je souligne ça parce que... Pour moi, c'est le béaba, voilà. Mais non, mais c'est vrai, non, c'est vrai. Le béaba. Parce qu'il y a évidemment les jeunes, tu vois, les 400, les 400 personnes en Occident. Bah, si, comment on fait pour rameuter des gens? Tu vois, c'est aussi une véritable... Mm-hmm. Bah, d'office, déjà, tout l'aspect matériel, ils ne doivent pas s'en occuper. Mm-hmm. Parce que sinon, ça ne marche pas. Mm-hmm. Tu vois, ça me semble la base, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, je me disais, bah, tiens, pourquoi tu soulignes ça? Mm-hmm. Par rapport à quoi, par exemple? Ou bien non, voilà, tu avais envie de dire... non, j'ai envie de souligner ça pour dire bah, que ça aide à aller mener des combats là-bas, quoi. Oui, non, ça c'est sûr que ça aide, mais après c'est sûr que c'est pas les seuls à faire ça, non. Mmh. Ouais. Un principe de base, quoi. Mmh. Et aussi, non, oui, j'avais envie de reposer ma question. C'était noté que tu parles kurde, mais en fait tu disais oui, le béaba, mais pas le... Mmh. Oui, et du coup, t'as fait un web... un web docu, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça veut dire que c'est pas force. Enfin, moi, quand je entendais web docu, je me disais ah ben c'est un film qu'on peut aller voir. Mais non, c'est des articles avec des photos de toi. Beaucoup de c'est des articles écrits en fait. Oui, parce que c'est pour la presse écrite. Voilà. C'est vrai que les médias se retrouvent. Ben du coup, sont sur Internet aujourd'hui. Et puis, mais chaque média a son cœur de métier. Il y a des chaînes de télévision. Des groupes audiovisuels qui font du web documentaire et qui se basent en fait sur l'essentiel de ce qu'est leur métier, c'est-à-dire l'image. Mmh. Et donc, ils vont plus faire des vidéos ou des web documentaires audiovisuels vraiment basés sur la vidéo. Mmh. Alors que la presse écrite fait aussi du web documentaire, mais son ADN, c'est l'écrit. Donc, en fait, ce sera des récits longs de type lesjours.fr ou ulysse.fr. Voilà, il y a beaucoup de sites qui se sont spécialisés dans le long format écrit sur le web et qui s'inspirent du journalisme narratif aussi. Donc il n'y a pas que parce que quand on écrit autant, vaut mieux écrire bien dans le sens où on veut aussi que la personne qui lit puisse avoir un plaisir en fait, un plaisir de lecture, c'est important. Donc, le fait de faire du web documentaire à l'écrit relève aussi du journalisme narratif. Enfin, il faut que la personne ait envie d'aller parce que c'est très long. Enfin, voilà, tu peux en témoigner. C'est 10 chapitres. Certains font entre 7000 et 15000 signes, ce qui représente 2 à 3 pages dans un journal. Donc, c'est beaucoup. Et donc, voilà, c'est essentiellement effectivement basé sur l'écrit, la photo et l'ADN de ce qu'est la presse écrite, en fait, hein, plus de l'audiovisuel. Même s'il y a des petites vidéos, mais voilà, c'est pas... Mais donc, tu vises, t'as visé, ou t'avais envie de toucher un public qui lit. Oui, et aussi parce que je trouve qu'il y a moyen de faire beaucoup plus dans la nuance à l'écrit qu'à l'image. Et puis, il y a des choses qu'on obtient plus facilement aussi, sans caméra. Des témoignages, des confidences. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ces confidences. Parce que c'est très compliqué d'arriver avec une caméra à Raqqa, par exemple. À Raqqa, j'étais avec un groupe de jeunes donc occidentaux qui étaient sur le front. Je suis restée une semaine avec eux. Et si j'avais eu la caméra, ça aurait été extrêmement compliqué d'avoir certaines confidences sur la manière dont ils fonctionnent, sur la manière dont, sur leurs idéaux, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui est en train d'être mis en place ou pas. Il y a une liberté de ton, il y a une liberté de parole qu'on n'a pas en fait avec l'image, très clairement. Donc moi, c'est pour ça que je préfère l'écrit. Et puis parce que j'aime bien aussi laisser le lecteur se faire sa propre opinion. Il y a aussi toute une approche aujourd'hui dans les médias qui considère qu'il faut dire clairement les choses, enfin limite dire au lecteur ce qu'il doit penser et comment il doit le penser. Et moi, c'est ça que je voulais pas en fait. Et c'est aussi pour ça que je préfère l'écrit, parce que je dresse juste les portraits des gens que je rencontre, je les laisse prendre la parole, parce que c'est des gens qui n'ont pas droit à la parole en général dans les médias, à qui on ne laisse pas libre cours parce qu'on considère qu'il faut recadrer certains propos, etc. Et moi, je voulais justement pas faire ça. Parce que je pense aussi que le lecteur est suffisamment intelligent pour comprendre qu'on n'est pas en train de défendre une idéologie contre une autre, on est seulement en train d'expliquer qu'il y a des gens qui sont là-bas et qui partent et qu'on veut savoir pourquoi et on veut entendre leurs raisons à eux. Ça ne veut pas dire que ce sont des raisons universelles, ça ne veut pas dire qu'on les considère comme valables, ça veut juste dire que c'est leur opinion à eux et qu'on est là pour les écouter. Et ça, cette écoute, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment... que l'écrit permet beaucoup, en fait, plus que l'image, je trouve. Ça, c'est qu'un point de vue... mais en tout cas, c'est le mien. Voilà. Encore quelques minutes parce qu'on a le temps et que d'accord, t'es d'accord ? Écoute, moi, je vais peut-être juste préciser par rapport à ça, c'est que j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'égalité, la diversité dans les médias et la manière dont la diversité. Voilà, c'est un mot un peu bateau, mais la diversité est représentée dans les médias. Donc il faut ça veut dire quoi, la diversité ? Très concrètement, ça veut dire que, par exemple, quand la presse écrite fait appel à des experts, l'expert en question va être majoritairement blanc, âgé entre 40 et 50 ans, de catégorie socio-professionnelle élevée, surdiplômé, et de tendance politique centre-droit, voire droit. Donc il y a vraiment... On ne représente pas les femmes. En tout cas, quand on laisse la parole aux femmes, c'est en général pour savoir est-ce que ça ne vous embête pas que la cloche de l'école sonne à 3h au lieu de 3h10. Vraiment, vous pensez que c'est un problème? Voilà. Voilà, pour faire la pub, enfin, y a l'aspect information, mais il y a aussi l'aspect divertissement. La manière dont elles sont représentées dans les émissions de divertissement elle nous laisse quand même perplexes sur l'image que se font les producteurs de ces émissions du genre féminin. Y a aussi les personnes qui souffrent de handicap, on les voit quasiment jamais. Les personnes qui sont d'origine étrangère, on les voit jamais. Ou seulement quand il y a des émeutes, parce que c'est l'image qu'on se fait des gens issus de la diversité. Et il y a aussi toutes les questions de genre. Comment on se représente l'homosexualité ? Comment on se représente le transgenrisme ? Donc voilà, il y a toutes des catégories entières de population qui n'ont pas droit à la parole aujourd'hui dans les médias. Et ce n'est pas juste une intuition, c'est un constat sur lequel des études ont été réalisées au cours des 5 dernières années. Donc, chiffres à l'appui, oui, c'est comme ça. Et c'est ça aussi la raison pour laquelle je voulais leur donner la parole à eux, sans... C'est-à-dire comme ça... À ces jeunes donc, qui partent rejoindre les mouvements apoïstes au nord de la Syrie. Parce qu'on ne les entend pas et parce que je pense qu'il y a une vraie... Il y a une vraie volonté de ne pas vouloir les entendre, en fait. De condamner, en fait, sans savoir, parce que ça remet plein de choses en question. L'utilisation de la violence, très concrètement. Voilà, aujourd'hui... c'est un thème qui traverse l'ensemble de la philosophie, l'ensemble de la littérature. Je veux dire, des gens comme Sartre l'ont déjà théorisé il y a des années. L'utilisation de la violence, c'est une vraie question. Ça remet plein de choses en question. Et je pense qu'il y a aussi, au niveau institutionnel, la sûreté de l'État n'est pas vraiment rassurée à l'idée de savoir que des jeunes Belges et des jeunes Français vont se former aux techniques de guérilla, à l'utilisation d'explosifs, aux techniques de sabotage. Voilà. Je peux dire un truc, je ne sais pas si tu es d'accord. Tant qu'il n'y avait pas des attentats dans nos pays, hein, France, Belgique, Bruxelles, Belgique, bah oui, en Belgique, il y avait eu, je ne sais plus où, en Belgique, comment ça s'appelle cet endroit, je n'arrive plus à Verviers. À Verviers, voilà. Enfin, tu vois. Est-ce que tant qu'il n'y avait pas, est-ce que tu es d'accord avec cette idée, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de problème en Occident, en France, Belgique, eh bien, on savait qu'il y avait des gens qui allaient combattre, des jeunes souvent désœuvrés, qui n'ont pas de travail, qui se disent... Ah oui, mais ça, ça traverse l'histoire même de la Belgique. Je pense que... attends, comment il s'appelle déjà Éric David, si je ne me trompe pas, qui est un professeur de droit et qui avait travaillé sur ce sujet-là parce que la Belgique devait légiférer en la matière. C'est-à-dire que à l'époque du Congo, par exemple, il y a aussi énormément de mercenaires qui ont rejoint le système Mobutu, etc. Donc, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu ces mouvements-là. Et donc, il a fallu légiférer là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il avait fait un travail intéressant où il avait expliqué notamment qu'il y avait deux types... Enfin, en tout cas, la Belgique s'est prononcée comme ça. Deux types d'engagement. L'engagement idéaliste et l'engagement comme mercenaire. Et donc, la législation belge est volontairement floue sur l'engagement idéaliste. Elle décide, elle laisse le soin à l'exécutif, en l'occurrence, enfin le roi, mais en l'occurrence l'exécutif, donc le gouvernement, de se décider au cas par cas. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est en fonction de des informations qu'on possédera sur oui ou non sur la personne, on décidera de la poursuivre, ce qui n'est pas encore arrivé chez nous. Voilà. Mais c'est le cas partout ailleurs en Europe, en Grande-Bretagne, au Danemark. Il y a la France, juste la France et la Belgique qui ne l'ont pas encore fait. Et je pense pour des raisons très pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'ils les utilisent pour obtenir des informations sur place. Donc voilà, ils leur demandent par exemple de faire des rapports hebdomadaires, qui est avec eux, qui les forme, quelle est la situation sur place par rapport à Daesh. Et en fonction de ce que... Donc il y a vraiment... quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'hypocrisie, parce que... Ah, mais je trouve qu'on est dans un monde très, très hypocrite. Moi, je le dis, quoi. C'est, en même temps, je peux comprendre. C'est même maladif, quoi. C'est schizophrénique, c'est complètement fou. Mais après, je peux comprendre que la Sûreté de l'État ait besoin de savoir ce qui se passe avec des Belges qu'on envoie et qu'ils ont 23 ans là-bas. Voilà, je pense qu'ils veulent vraiment savoir ce qui se passe, et ils ont tout à fait raison. Ne serait-ce que pour savoir si on les traite bien. Voilà. Mais... après, on se sert aussi de ça pour obtenir des informations sur place. Et puis, qu'est-ce qui va leur arriver, en fait, avec ce flou juridique, s'ils décident de ne pas coopérer ? Ils font peut-être... enfin, voilà, peut-être qu'ils respectent le droit de la guerre, là-bas aussi, et qui, comparé à quelqu'un qui a coopéré, ben, ils pourraient prétendre aussi à revenir et sans souci. Mais sauf qu'en fait, ça pourrait le punir, quelque part. Donc, je ne sais pas, moi, je me pose... vraiment des questions là-dessus. C'est pas encore arrivé pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions, quoi. Donc, Aurélie Moreau, t'as fait un web docu, écrit, vachement quand même, hein. Beaucoup d'écrits, oui. des petites photos qu'on voit de toi. T'es allée toute seule, en fait. Il n'y a même pas de photographe qui est allée avec toi. Non, c'est moi qui fais les photos, ouais. Ça m'a beaucoup plu. Volonté comme ça d'y aller en avant, quoi, c'est la première fois que tu te barres comme ça en disant allez, j'y vais. En plus, tu sais bien que là-bas, bon, ça craint quand même. Enfin, nous, du moins, on ne connaît pas, mais c'est quand même des pays qui craignent, quoi. Ou bien c'est faux, c'est des fausses. C'est faux. Franchement, je pense que j'y suis allée aussi parce qu'il y avait ces femmes, hein, kurdes, comme tout le monde, qui m'ont beaucoup intriguée. Et en tant que femme, je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. J'en ai ressenti le besoin. Mais ça craint pas. Enfin, oui. Enfin, je veux dire, si on va à Raqqa, c'est sûr que c'est pas le plus bel endroit de la Terre pour l'instant. Mais par exemple, le Kurdistan d'Irak, si vous allez à Souleymaniye, qui est la deuxième ville du Kurdistan d'Irak, qui est la capitale culturelle... du Kurdistan d'Irak, on y vit très bien et c'est tout, sauf un problème d'y vivre en tant que femme. C'est relatif, on se balade comme on a envie de se balader, on a envie de mettre une jupe, une robe, il n'y a pas de souci, on ne se fait pas du tout emmerder. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une mauvaise presse et ce sont des pays... qui ont aussi une histoire, voilà, c'est partie du berceau de la civilisation aussi, il y a toute l'histoire de la Mésopotamie, c'est une culture extrêmement riche, voilà, rien que Souleymaniye, par exemple, ils vivent la culture, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose pour se donner un genre, la culture, elle est là pour transmettre, en fait, des émotions, une histoire commune, une mémoire collective, et en fait, tout le monde y prend part, quoi, du plus petit gamin jusqu'au grand-père, et ça se vit en communauté, il y a des déclamations de poèmes publics, dans tous les lieux, je sais pas, les cinémas d'art et d'essai, tous les lieux culturels, il y a une bibliothèque, à chaque fois, ouverte, en libre accès, avec tous les ouvrages en français, en turc, en anglais, il y a du Sartre, il y a du Beauvoir, bon, évidemment, il y a du Marx, du Lénine et du Trotsky, mais voilà, il n'y a pas que ça. J'imagine qu'il y a aussi des gens de part chez eux aussi, parce que sinon, ça fait que les colons, ils ont bien colonisé quand même. Donc il y a une richesse en fait littéraire que, par exemple, nous, on n'a pas ici. On va lire que les livres de chez nous parce qu'on considère qu'on a inventé la littérature. Alors que, voilà, le Sorani, qui est la langue kurde du Kurdistan d'Irak, est une langue de poète. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été normalisée, comme l'a été le français au XVIIe, par des poètes, en fait, kurdes. Donc, cette langue, elle chante, c'est une superbe langue. Donc, il y a vraiment des choses d'un point de vue culturel. Voilà, je pense que ces pays souffrent vraiment d'une très mauvaise presse. Mais quand on y vit, on se rend vite compte qu'on n'a pas... on n'a pas le monopole de la culture, on n'a pas le monopole de la peinture, on n'a pas le monopole de la littérature, de la philosophie. Et rien que de parler d'Ibn Khaldoun, qui 3 siècles avant Montaigne a inventé la sociologie, alors que nous, on se l'approprie comme faisant partie de notre histoire, est tout à fait faux. Donc voilà, c'est ça aussi que je, quand tu me demandais pourquoi je faisais ce métier, c'est pour ça, parce que j'ai envie de me recadrer parfois et de me dire non, enfin je veux dire, je fais pas partie d'une culture qui a tout inventé, il faut qu'on arrête quoi. Excellent, j'adore le. Il faut que je me recadre, mais c'est quand même étonnant, moi je trouve. Enfin peut-être c'est pas bien ce que. Enfin. Je trouve ça. Comment ça se fait que tu as cette pensée comme ça, très un peu décalée, critique en fait. T'es bien critique. Comment ça se fait, d'où ça devient c'est quoi tes lectures d'où tu viens. Je lui dis trop. Non, ça fait du bien parce que je trouve que des fois on est tellement dans une espèce d'uniformisation comme ça, même les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent, qui est énorme et qui vont peut-être dans le sens aussi de. Cette espèce de manière de voir qui est unique, comme ça. Je sais pas, mon père dit souvent que je suis une emmerdeuse. Et quoi, c'est bien, c'est pas bien? Je sais pas. Ça fait plaisir? Ça dépend qui te le dit, je pense. Je sais pas, oui, et puis je pense que je fais aussi partie d'une génération qui a, où la diversité n'est pas un vain mot ou n'est pas un truc. Moi, j'ai grandi avec voilà, des potes qui étaient marocains, qui étaient camerounais, italiens, français. Donc, moi, je l'ai vécu, ça, en fait. Et j'ai vu aussi, en fait, la manière dont la société pouvait, en fait, ne pas accorder la même attention. Oui, ou raconter l'histoire avec un grand H d'une certaine manière. Exactement. Et donc. J'ai entendu très tôt des choses très différentes, comme tout le monde. Hein, je ne suis pas un cas unique. Hein, donc, voilà. Et donc, voilà, ça te pousse à te poser des questions. Tu te dis, mais attends, il y a un problème, là, quelque part. Et voilà, et aussi parce que, oui, je pense que ça vient probablement de là. Et puis, quelque chose de l'ordre de la génétique, parce que mon père aussi est un emmerdeur. Non, mais c'est tant mieux qu'il y ait des gens comme toi. Tant mieux, c'est la suite, c'est le futur. Donc comme toi, pour faire des émissions comme celle-là, c'est très bien. Comment a été reçu, parce que t'as cette initiative, tu pars, t'es sur le terrain, dans le concret, t'es en immersion 5 mois. Presque. J'ai oublié le presque. comment ça fait, comment ça marche de se dire ben voilà maintenant j'ai du matos et tout pour vendre ma salade entre guillemets, c'est pas joliment dit salade mais c'est quand même bon, vendre mon travail. Comment ça se passe avec les journaux, avec les médias d'ici? C'est une question très vaste. Comment ça se passe? Pas toujours très bien parce que il faut faire court, c'est l'époque dans laquelle on vit, donc il faut faire court, il faut faire vite, il faut que la personne ait compris en 5 minutes 30 ce dont tu lui parles, sauf qu'en fait le conflit turco-kurde, le PKK, l'apoïsme, la marginalisation de la jeunesse, le chômage, tout ça, ben, voilà quoi, tu peux pas résumer tout ça en 5 minutes ou en 4000 signes, c'est impossible. Donc en fait, t'es obligé de faire des raccourcis. Ah oui, t'as fait des raccourcis, t'as... Non, ça c'est normalement, c'est ce qu'on t'impose. On te demande de faire plus court, on te dit qu'il y a moyen de faire plus court. Peut-être, hein, peut-être que voilà, il y a des gens qui vont lire et qui vont dire Aurélie, effectivement, il y avait moyen de faire plus court. Mais moi, j'avais pas l'impression que, et j'ai essayé de couper énormément, mais je me suis rendu compte qu'en coupant, je faisais des raccourcis. Et la nuance pour moi est importante, particulièrement dans le cadre de ce genre de sujet. Donc ça se passe pas forcément très bien. Donc en gros on prend pas parce que c'est trop long et toi tu veux pas raccourcir et donc je veux pas raccourcir. Donc, vraiment tu veux pas raccourcir, c'est clair dans ta tête? Oui, et c'est dit. Donc voilà, après il y a des journaux qui acceptent et des journaux qui acceptent pas. Le Soir l'a accepté par exemple, donc c'est bien la preuve qu'aujourd'hui il existe encore des médias qui sont capables de publier ce genre de format, et c'est tant mieux et heureusement d'ailleurs, et je les remercie parce que voilà, c'est un risque aussi, et puis c'est un sujet très touchy. Par exemple sur Twitter, quand on a commencé à publier les premiers teasers du sujet, ben on a eu des trolls qui nous ont balancé des trucs comme apologie du terrorisme. Enfin, on n'a plus le droit de parler de rien sans être accusé de tout. Alors qu'on est juste là pour comprendre, mais voilà, parce que le PKK est une organisation reconnue terroriste par l'Union européenne, par les États-Unis, forcément, on fait l'apologie du terrorisme. Mais non, expliquer les choses, ça ne veut pas dire qu'on les justifie, ça ne veut pas dire qu'on prend parti, ça veut juste dire que, bon. Donc du coup, c'est un sujet très touchy, donc il y a aussi des raisons politiques au retour qui sont compliquées. Parler du PKK aujourd'hui, c'est compliqué. Ça, tu le savais en choisissant ce... Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pris mes responsabilités. Mais c'est sûr qu'il faut savoir défendre son sujet. Quoi, il y a le journal le soir, c'est tout ? Oui, c'est tout. T'as essayé ailleurs ? Non, parce que j'avais pas forcément le droit. Dans le sens où moi, j'ai bénéficié d'une bourse. Du fonds pour le journalisme. Et en fait, on est obligé de vendre à des médias belges. Donc, de travailler avec des médias belges, parce que le but de cette bourse, c'est justement de développer, en fait, toute cette approche journalistique dans les médias belges. Donc voilà, ça limite déjà le spectre. Et ensuite, chaque média a aussi sa ligne éditoriale et sa manière de travailler. Par exemple, la cellule Web Création à la RTBF fait du webdoc, mais d'une manière très particulière, plutôt basée sur la vidéo et des choses un peu plus développées en matière de programmation. C'est-à-dire que, là, par exemple, ils peuvent faire des espèces de jeux de cartes. Enfin, il y a une vraie interactivité inspirée des codes des jeux vidéo, par exemple. Donc, c'est une autre démarche. Mais en matière de presse écrite, ben, il y a le soir, il y a la libre, il y a l'avenir. Il y a Sud Presse, et puis il y a quoi ? Donc c'est compliqué. Juste le soir, quoi. Ouais. Parce que, quoi, ils te renvoyaient un peu, après on va stopper parce que ça se termine, mais quoi, ils te renvoyaient que d'office c'était trop long, quoi, en gros. Ah non, par contre, le soir, non, pas du tout. C'est... Oui, le soir, non, mais je veux dire, t'as cité la ligne. Voilà. Donc, oui, c'est trop long. Voilà, il faut le langage est beaucoup trop compliqué, des choses comme ça, des choses que j'entends, et je pense que chacun a le droit de... d'amener les arguments qu'il a envie d'amener, je juge pas. Mais le soir, en revanche, non, pas de souci. Et ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'au contraire, ils ont respecté aussi le travail de terrain. C'est-à-dire que il y a aussi une démarche quand on est une nana qui est sur le terrain, qui consiste à venir te dire ce que tu dois penser du terrain alors que tu y as jamais mis un pied. C'est très énervant. Et le soir n'a pas du tout eu cette démarche-là avec moi, et c'est ce que j'ai apprécié, et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi décidé de travailler avec eux, c'est parce qu'ils n'étaient pas du tout dans cette démarche-là, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, ok, t'es partie sur le terrain, il y a eu une relecture éditoriale, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui sont spécialisés au soir et qui se rendent au Rojava, etc., donc qui savent aussi, qui connaissent la situation sur place. Donc, et puis ça, c'est aussi plutôt chouette que quelqu'un te relise et te dise, voilà. Mais il n'y a pas cette approche-là du fait que tu es jeune, tu es une fille, ok, t'es partie 6 mois, mais bon, hein, tu comprends pas toujours toi la vie, donc il va falloir qu'on t'explique un petit peu, ma chérie. Donc voilà. Et donc ça, c'est... Oui, donc il y a effectivement beaucoup de critiques à avoir sur la manière dont les médias fonctionnent aujourd'hui, mais heureusement, il y en a encore d'autres qui respectent ce qui est aussi un peu l'essence du journalisme. Aurélie Moreau, on arrive à la fin, c'est la fin. Qu'est-ce que tu verrais d'essentiel à dire, qu'on n'a pas du tout parlé, que voilà, ça nous a un peu échappé qu'est-ce que tu auras envie de dire sur tout ça, au fond Lisez. Pourquoi, beaucoup. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a dans la littérature aujourd'hui des écrivains qui écrivent sur le monde dans lequel on vit avec une acuité de dingue. Que tu n'as pas en regardant un documentaire, que tu n'as pas en allumant ta télévision, qui ont une approche et qui ne te prennent pas pour un con. Et je pense que c'est dommage aujourd'hui de plus avoir, parce qu'il y a des choses de qualité, que ce soit en presse écrite, que ce soit en littérature. Et ça, ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives et ça nous oblige à écouter, en fait. Tu vois, quand on se pose et qu'on ouvre, qu'on lit un article ou que long ou peu importe quelle est la démarche, ou qu'on lit un bouquin, on se met dans une démarche où on reçoit. On n'est pas dans une démarche où on veut absolument convaincre l'autre de notre vision du monde à nous, etc. Non, on reçoit. Et après, on en pense ce qu'on veut. On tire les conclusions qu'on a envie de tirer. Mais on n'est pas dans une démarche d'affrontement comme ça avec l'autre. On est vraiment dans le fait de recevoir, en fait. Et je pense que vraiment, c'est ce qui nous manque de plus en plus. On lit de moins en moins. Et Voilà, donc je dirais juste lisez. C'est bateau, mais c'est comme ça. C'est bateau, mais c'est comme ça. Et tu donnes les références où on peut aller jeter par rapport. On parle de lecture, bah tiens. Ah bah, écoute, le dernier bouquin que je viens de terminer, c'est Vernon Subutex, hein, de Despentes. Des références par rapport aussi à ton docu. Ah, par rapport à mon docu. Alors, il y a plein de bouquins plutôt historiques qui sont intéressants et qui permettent de. Oui, mais je veux dire, Oui, je comprends, mais là, on s'égare. C'est plus dire, donner les gens qui vont nous écouter, me dire, bah, tiens, OK, on tape Aurélie Moreau. Mais en fait, c'est Bon Baiser de Kurdistan. T'as un site internet aussi non, je me trompe. Je avoir vu. Non. Oui, j'ai un site internet. Comment on peut faire pour lire ton travail, quoi, en gros? OK. Donc, le web documentaire s'appelle Bon Baiser du Kurdistan, mm-hmm. au pluriel. Mm-hmm. Il est disponible sur Internet. Voilà, il y a un autre site qui est le mien où je mets des liens vers les articles ou les problématiques que j'ai traitées par ailleurs sous ce format-là aussi. Par exemple, l'ivoire de Boko Haram, des choses comme ça. Ça, c'est un autre sujet qui était lié au financement, enfin, comment le trafic d'ivoire, le braconnage local au Cameroun finançait en fait le terrorisme régional en Afrique centrale. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut lire sur ce site. Voilà. Et ça s'appelle www.aurélie-moreau.com. Voilà. On verra la suite, hein, parce que j'imagine que tu ne vas pas t'arrêter là, je suis sûre. Hein. Merci Aurélie Moreau. Hein. Merci à toi.